Chapitre 2, sous-chapitre 12 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Récit de la conférence du diable avec Luther, écrit par Luther même. Il m'arriva une fois de m'éveiller tout à coup sur le minuit, et Satan commença à disputer ainsi avec moi. Écoute, me dit-il, Luther, docteur très éclairé, tu sais que pendant 15 ans, tu as célébré presque tous les jours des messes privées. Que serait-ce si de telles messes privées étaient une horrible idolâtrie? Que serait-ce si le corps et le sang de Jésus-Christ n'y avaient été présents, et que tu n'eusses adoré et fait adorer aux autres que du pain et du vin? Je lui répondis, j'ai été fait prêtre. J'ai reçu l'onction et la consécration des mains de l'évêque, et j'ai fait tout cela par le commandement de mes supérieurs, par l'obéissance que je leur devais. Pourquoi n'aurais-je pas consacré, puisque j'ai prononcé sérieusement les paroles de Jésus-Christ, que j'ai célébré ces messes avec un profond respect, tu le sais. Tout cela est vrai, me dit-il, mais les Turcs et les païens font aussi toutes choses dans leur temple par obéissance, et ils y font sérieusement leurs cérémonies. Les prêtres de Jéroboam faisaient aussi toutes choses avec zèle et de tout leur cœur, contre les vrais prêtres qui étaient à Jérusalem. Que serait-ce si ton ordination et ta consécration étaient aussi fausses que les prêtres des Turcs et des Samaritains sont faux, et leur culte faux et impie? Premièrement, tu sais, me dit-il, que tu n'avais alors ni connaissance de Jésus-Christ, ni vraie foi, et qu'en ce qui regarde la foi, tu ne valais pas mieux qu'un Turc, car le Turc et tous les diables croient l'histoire de Jésus-Christ, qu'il est né, qu'il a été crucifié et qu'il est mort, etc. Mais les Turcs et nous autres, esprits réprouvés, nous n'avons pas de confiance en sa miséricorde. Et nous ne le tenons pas pour notre médiateur et notre sauveur. Au contraire, nous avons horreur de lui, comme d'un juge sévère. Telle était ta foi. Tu n'en avais point d'autre. Quand tu reçus l'onction de l'évêque, et tous ceux qui donnaient ou qui recevaient cette onction avaient ces sentiments de Jésus-Christ. Ils n'en avaient point d'autre. C'est pour cela qu'en vous éloignant de Jésus-Christ, comme d'un juge cruel, vous aviez recours à la Vierge Marie et aux saints, et vous les regardiez comme des médiateurs entre vous et Jésus-Christ. Voilà comme on a ravi la gloire à Jésus-Christ. C'est ce que ni toi, ni aucun autre papiste ne peut nier. Vous avez donc reçu l'onction, vous avez été consacré, et vous avez sacrifié à la messe comme des païens et non comme des chrétiens. Comment donc avez-vous pu consacrer à la messe ou célébrer vraiment la messe puisqu'il y manquait une personne qui eut la puissance de consacrer, ce qui est, selon votre propre doctrine, un défaut essentiel? Secondement, tu as été consacré prêtre et tu as abusé de la messe contre son institution et contre la pensée et le dessein de Jésus-Christ qui l'a institué. Car Jésus-Christ a voulu que le sacrement fût distribué entre les fidèles qui communient, et qu'il fût donné à l'Église pour être mangé et pour être bu. En effet, le vrai prêtre est établi ministre de l'Église pour prêcher la parole de Dieu et pour donner les sacrements, comme le portent les paroles de Jésus-Christ en la scène, et celles de saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, en parlant de la scène du Seigneur. De là est venu que les anciens l'ont appelé communion, parce que, selon l'institution de Jésus-Christ, le prêtre ne doit pas user seul du sacrement, mais les autres chrétiens, qui sont ses frères, en doivent user avec lui. Et toi, pendant 15 ans entiers, tu t'es toujours appliqué à toi seul le sacrement, lorsque tu as dit la messe. Et tu n'y as pas fait participer les autres. Il t'était même défendu de leur donner tout le sacrement. Quel sacerdoce est-ce là? Quelle onction? Quelle messe et quelle consécration? Quelle sorte de prêtre es-tu, qui n'a point été ordonné pour l'Église, mais pour toi-même? Il est certain que Jésus-Christ n'a point connu et ne connaît point ce sacerdoce et cette onction. Troisièmement, la pensée et le dessein de Jésus-Christ, comme ses paroles le marquent, est qu'en prenant le sacrement, nous annoncions et nous confessions sa mort. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Et comme dit saint Paul, 10 heures de messe privée, tu n'as pas seulement une fois prêché et confessé Jésus-Christ dans toutes tes messes. Tu as pris seul le sacrement et tu as marmotté entre tes dents et comme en sifflant les paroles de la scène pour toi seul. Est-ce là l'intention de Jésus-Christ? Est-ce par de telles actions que tu montreras que tu es prêtre de Jésus-Christ? Est-ce là faire le prêtre chrétien et pieux? As-tu été ordonné pour cela? Quatrièmement, il est clair que la pensée, le dessein et l'institution de Jésus-Christ sont que les autres chrétiens participent aussi au sacrement. Mais toi, tu as reçu l'onction, non pour leur distribuer ce sacrement, mais pour sacrifier. Et contre l'institution de Jésus-Christ, tu t'es servi de la messe comme d'un sacrifice. Car c'est ce que signifient clairement les paroles de l'évêque qui donne l'onction, lorsque, selon la cérémonie ordinaire, il met le calice entre les mains de celui qui vient recevoir l'onction et qui lui dit « Recevez la puissance de célébrer et de sacrifier pour les vivants et pour les morts. Quelle est, ô malheur, cette onction et cette ordination tout à fait sinistre et perverse? Que de ce que Jésus-Christ a institué comme une viande et comme un breuvage pour toute l'Église et pour être présenté par le prêtre à ceux qui communient avec lui. Tu en fasses un sacrifice propitiatoire devant Dieu. Ô, abomination qui passe toute abomination. Cinquièmement, la pensée et le dessein de Jésus-Christ est, comme nous l'avons dit, que le sacrement soit distribué à l'Église et aux communiants pour relever et pour affermir leur foi dans les combats des diverses tentations qui viennent du péché et du diable, même pour renouveler et prêcher les bienfaits du Christ. Mais toi, tu l'as regardé comme une chose qui t'était propre, que tu pouvais faire sans les autres, et que tu pouvais leur donner gratuitement ou pour de l'argent. Dis-moi, que peux-tu nier de tout cela? As-tu donc été fait prêtre de la sorte, c'est-à-dire sans le Christ et sans foi? Car tu as reçu l'onction et l'ordination contre le dessein et l'institution de Jésus-Christ, non afin de donner le sacrement aux autres, mais afin de sacrifier pour les vivants et pour les morts. Tu n'as pas été ordonné pour être ministre de l'Église, etc. De plus, comme tu n'as pas distribué le sacrement aux autres, tu n'as pas prêché Jésus-Christ à la messe, et par conséquent, tu n'as rien fait des choses que Jésus-Christ a instituées. As-tu donc reçu tout à fait l'onction et l'ordination contre le Christ et son institution pour faire tout ce qui est contre lui? Et si tu as été consacré et ordonné par les évêques contre Jésus-Christ, il est hors de doute que ton onction et ton ordination est impie, fausse et antichrétienne. Je soutiens donc que tu n'as pas consacré à ta messe et que tu n'as offert, adoré et fait adorer aux autres que du pain et du vin seulement. Tu vois maintenant qu'il manque dans ta messe, premièrement, une personne qui puisse consacrer, c'est-à-dire un homme chrétien, qu'il y manque en second lieu une personne pour qui on consacre et à qui l'on doive donner le sacrement, c'est-à-dire l'Église, le reste des fidèles et le peuple. Mais toi, qui es un impie et qui ne connais pas Jésus-Christ, tu es là, debout, tout seul, et tu t'imagines que le Christ a institué pour toi seul le sacrement, et que tu n'as qu'à parler pour consacrer dans ta messe privée le corps, le sang du Seigneur, quoique tu ne sois pas membre de Jésus-Christ, mais son ennemi. il y manque en troisième lieu le dessein, le fruit et l'usage pour lequel le Christ a institué ce sacrement, car Jésus-Christ l'a institué en faveur de l'Église, pour être mangé et pour être bu, pour fortifier la foi des fidèles, pour prêcher et pour exalter dans la messe les bienfaits de Jésus-Christ. Or, tout le reste de l'Église, qui ne sait pas même que tu dis la messe, n'apprend rien par toi et ne reçoit rien de toi. Mais toi seul, dans ton coin muet et sans rien dire, tu manges seul, tu bois seul, et ignorant que tu es de la parole du Christ, homme indigne et sans foi, tu ne communies personne avec toi. Et suivant la coutume qui est parmi vous autres, tu vends pour de l'argent, comme une bonne chose, ce que tu fais. Si donc tu n'es pas une personne capable de conserver et que tu ne le doives pas, s'il n'y a personne à ta messe pour recevoir le sacrement, si tu mets à l'envers, si tu changes et si tu renverses entièrement l'institution du Christ, enfin, si tu n'as reçu l'onction que pour faire ainsi toute chose contre le Christ, qu'est-ce que ton onction et que fais-tu ensuite en disant la messe et en consacrant que blasphémer et tenter Dieu, tellement que tu n'es pas véritablement prêtre, ni le pain véritablement le corps de Jésus-Christ. Je te donnerai une comparaison. Si quelqu'un baptisait, quand il n'y a personne à baptiser, si quelque évêque, selon la coutume ridicule qui s'est introduite parmi les papistes, baptisait une cloche ou une sonnette, ce qui ne doit, ne peut recevoir le baptême. Dis-moi, je te prie, serait-ce là un vrai baptême? Tu seras contraint d'avouer ici que ce n'en serait pas un, car qui peut baptiser ce qui n'est point, ou ce qui ne peut recevoir le baptême? Que serait-ce que ce baptême, si je prononçais en l'air ces paroles? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que je répandisse de l'eau. Qui est-ce qui recevrait la rémission de ses péchés ou le Saint-Esprit? Serait-ce l'air ou la cloche? Il est palpable qu'il n'y a point là de baptême, quoique ces paroles du baptême soient prononcées, ou que l'eau soit répandue, parce qu'il y manque une personne qui puisse recevoir le baptême. Que serait-ce si la même chose t'arrivait dans ta messe? Que tu prononçasses les paroles, que tu crusses recevoir le sacrement, et que cependant tu ne reçusses que du pain et du vin, car l'Église, qui est la personne qui reçoit, n'y assiste pas. Et toi, qui es un impie et un incrédule, tu n'es pas plus capable de recevoir le sacrement qu'une cloche l'est de recevoir le baptême. C'est pourquoi tu n'es rien du tout quant au sacrement. Tu me diras peut-être ici, quoique je ne présente pas le sacrement aux autres qui sont dans l'Église, je ne laisse pas de le prendre et de me le donner à moi-même. Et il y en a plusieurs parmi les autres qui, tout incrédules qu'ils sont, reçoivent le sacrement ou le baptême, et cependant, ils reçoivent un vrai baptême et un vrai sacrement. Pourquoi n'y aurait-il pas dans la messe un vrai sacrement? Mais ce n'est pas la même chose, parce que dans le baptême, lors même qu'il se donne dans une nécessité pressante, il y a au moins deux personnes, celle qui baptise et celle qui doit être baptisée, et souvent plusieurs autres personnes de l'Église. De plus, la fonction de celui qui baptise est telle qu'il communique quelque chose aux autres personnes de l'Église comme à ses membres, et qu'il ne leur ôte rien pour se l'appliquer à lui seul, comme tu fais dans la messe. Et toutes les autres choses qui se passent dans l'action du baptême sont selon le commandement et l'institution du Christ. Mais ta messe est contre l'institution du Christ. En second lieu, pourquoi n'enseignez-vous pas qu'on se peut baptiser soi-même? Pourquoi désapprouvez-vous un tel baptême? Pourquoi rejetteriez-vous la confirmation si quelqu'un s'est confirmé lui-même, comme l'on confirme parmi vous? Pourquoi la consécration ne voudrait-elle rien si quelqu'un se consacrait prêtre lui-même? Pourquoi n'y aurait-il point d'absolution si quelqu'un se la donnait à lui-même? Pourquoi n'y aurait-il point d'onction si quelqu'un étant à l'extrémité, se la donnait à lui-même, comme on la donne parmi vous. Pourquoi n'y aurait-il pas de mariage si quelqu'un se mariait à lui-même, ou voulait forcer une fille et dire que cette action devrait être un mariage malgré cette fille? Car ce sont là vos sept sacrements. Si donc personne ne peut faire aucun de vos sacrements ou en user pour soi-même, pourquoi veux-tu faire ce grand sacrement pour toi seul? Il est bien vrai que le Christ s'est pris lui-même dans le sacrement, et que tout ministre, en le donnant aux autres, le prend aussi pour lui-même. Mais il ne le consacre pas pour lui seul, il le prend conjointement avec les autres et avec l'Église. Et tout cela se fait selon la parole de Dieu, le commandement et l'ordre du Christ. Quand je parle ici de consécration, je demande si quelqu'un peut consacrer et faire le sacrement pour lui seul, parce que je sais fort bien qu'après la consécration, chaque prêtre en peut user comme les autres, car c'est la communion et la table du Seigneur qui est commune à plusieurs, comme lorsque j'ai demandé si quelqu'un pouvait se donner l'onction, il pouvait se servir ensuite de sa vocation. Et enfin, lorsque j'ai demandé si quelqu'un ayant violé une fille, c'était assez que celui qui l'avait déshonorée appelât mariage cette conjonction, je savais bien aussi que quand la fille consent d'abord au mariage, la conjonction qui suit, ce consentement est un mariage. Dans cette détresse, dans ce combat contre le diable, je voulais repousser cet ennemi avec les armes auxquelles j'étais accoutumée sous la papauté. Je lui objectais l'intention et la foi de l'Église, en lui représentant que c'était dans la foi et dans l'intention de l'Église que j'avais célébré les messes privées. « Je veux, lui disais-je, que je n'ai pas cru comme il fallait croire, et que je me sois trompée dans ma pensée. L'Église, néanmoins, a cru en cela, comme il fallait croire, et ne s'est point trompée. Mais Satan, me pressant avec plus de force et de véhémence qu'auparavant, « Ça, me dit-il, fais-moi voir où il est écrit qu'un homme impie, incrédule, puisse assister à l'autel de Jésus-Christ, consacrer et faire le sacrement en la foi de l'Église. Où Dieu l'a-t-il ordonné? Où l'a-t-il commandé? Comment prouveras-tu que l'Église te communique son intention pour dire ta messe privée? Si tu n'as point la parole de Dieu pour toi, et que ce soit les hommes qui t'aient enseigné sans cette parole, toute cette doctrine est un mensonge. Quelle est votre audace? Vous faites ces choses dans les ténèbres, vous abusez du nom de l'Église, et après, vous voulez défendre toutes vos abominations par le prétexte de l'intention de l'Église. Tu n'as que faire de m'alléguer l'intention de l'Église. L'Église ne croit rien et ne pense rien au-delà de la parole et de l'institution du Christ, et beaucoup moins encore contre son dessein et son institution, dont j'ai déjà parlé. Car saint Paul dit, dans sa première épître aux Corinthiens, en parlant de l'Église et de l'assemblée des personnes de piété, « Nous connaissons les sentiments de Jésus-Christ. Mais comment apprendras-tu qu'une chose est selon le dessein et l'intention de Jésus-Christ et de l'Église que par la parole du Christ, par la doctrine et par la profession publique de l'Église? Comment connais-tu que l'intention et la pensée de l'Église et que l'homicide, l'adultère et l'incrédulité soient mis entre les péchés pour lesquels on peut être damné? Et comment sais-tu d'autres choses semblables que par la parole de Dieu? Si donc on doit apprendre de la parole et du commandement de Dieu ce que l'Église pense des œuvres bien ou mal faites, ne doit-on pas, à plus forte raison, apprendre de la parole de Dieu ce qu'elle pense de la doctrine? Pourquoi donc, blasphémateur, contreviens-tu dans la messe privée aux paroles claires et à l'ordre du Christ? Et pourquoi te sers-tu ensuite du nom et de l'intention de l'Église pour couvrir ton mensonge et ton impiété? Tu pars de ces misérables couleurs ton invention. Comme si l'intention de l'Église pouvait être contraire aux paroles claires et à l'intention du Christ. quelle est cette audace prodigieuse, que tu puisses profaner le nom de l'Église par un mensonge si impudent? Puisque l'évêque ne t'a fait 10 heures de messe par l'onction que pour faire, en disant les messes privées, tout ce qui est contraire aux paroles claires et à l'institution du Christ, à la pensée, à la foi et à la profession publique de l'Église. Cette onction est très profane et n'a rien de saint et de sacré. Elle est même plus vaine, plus inutile et aussi ridicule que le baptême qu'on donnerait à une pierre ou à une cloche. Et Satan, poussant plus loin ce raisonnement, me dit « Tu n'as donc pas consacré, mais tu n'as offert que du pain et du vin, comme font les païens. Et par un trafic infâme et injurieux à Dieu, tu as vendu ton ouvrage aux chrétiens, servant non à Dieu, non au Christ, mais à ton ventre. Quelle est cette abomination inouïe au ciel et à la terre ? Tel est à peu près le sommaire de cette dispute. » Fin du chapitre 2, sous chapitre 12. Enregistré par Margot.